ouest, change de veste. Le nord, le sud, sur quelle longitude? Vers où ferme la porte? Reste tranquille, douce des boucles. Faut que tu files, t'as pas de bol. Pense à te barrer et ce sera fini. Terre où